Victor Hugo, Les Orientales, chanson de pirate. Alerte, alerte, voici les pirates d'Oukali qui traversent le détroit. Sans chrétiens, pêcheurs de corail, nous recrutions pour le sérail dans tous les moutiers du rivage. En mer, les hardis écumeurs, nous allions de Fès à Catane. Dans la galère, capitaine, nous étions 80 rameurs. On signale un couvent à terre, nous jetons l'ancre près du bord. À nos yeux s'offre tout d'abord une fille du monastère, près des flots sourds à la rumeur. Elle dormait sous un platane. Galère, capitaine, nous étions 80 rameurs. La belle fille, il faut vous taire, il faut nous suivre, il fait bon vent. Ce n'est que changer de couvent, le harem vaut le monastère. Sème les primeurs, nous vous ferons mahométane. Dans la galère, capitaine, nous étions 80 rameurs. Elle veut fuir vers sa chapelle. Oserez-vous bien, fils de Satan, dit-elle. Nous osons, dit le capitaine. Elle pleure, supplie, appelle. Malgré sa plainte et ses clameurs, on l'emporta dans la tartane. Dans la galère, capitaine, nous étions 80 rameurs. Ses yeux étaient de talismans, elle valait 1000 tomans. On la vendit à sa hôtesse, elle eut beau dire je me meurs. De nonne elle devint sultane, dans la galère capitaine, nous étions 80 rameurs.